L'éléphant blanc volé par Mark Twain. La suivante curieuse histoire me fut contée par un gentleman rencontré en chemin de fer. C'était un homme de plus de 70 ans. Sa physionomie, profondément bonne et honnête, son air sérieux et sincère, mettait une empreinte de vérité indiscutable sur chaque affirmation qui tombait de ses lèvres. Voici son récit. Vous savez en quel honneur l'éléphant blanc du Siam est tenu par les peuples de ce pays. Vous savez qu'il est consacré au roi, que les rois seuls peuvent le posséder, et que d'une certaine façon il est au-dessus des rois puisqu'il reçoit non seulement des honneurs, mais un culte. Très bien. Il y a 5 ans, quand il y eut des difficultés de frontière entre la Grande-Bretagne et le Siam, il fut démontré manifestement que c'était le Siam qui avait tort. Les réparations nécessaires furent donc accordées promptement. Le représentant de l'Angleterre se déclara satisfait et oublieux du passé. Le roi de Siam s'en réjouit fort et, parti par gratitude, parti pour effacer les dernières traces de mécontentement de l'Angleterre à son égard, il voulut envoyer un présent à la reine, seul moyen de se concilier la faveur d'un ennemi d'après les idées orientales. Ce présent devait être royal. Dès lors, que pouvait-on trouver de mieux qu'un éléphant blanc? Ma position dans l'administration de l'Inde me fit juger particulièrement digne de l'honneur de porter le présent à Sa Majesté. On ferait un vaisseau pour moi et ma suite, pour les officiers et les serviteurs de l'éléphant, et en due temps, j'arrivai à New York et logeai ma royale commission dans un superbe local à Jersey City. Il fallait s'arrêter quelque temps pour permettre à l'animal de reprendre des forces avant de continuer le voyage. Tout alla bien pendant 15 jours, puis mes infortunes commencèrent. On avait volé l'éléphant blanc. Je fus éveillé en pleine nuit pour apprendre l'affreux malheur. Pendant un moment, je demeurai éperdu de terreur et d'anxiété. Nul espoir ne me restait. Puis je me calmai un peu et rassemblai mes esprits. Je vis ce qu'il y avait à faire, qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire pour un homme intelligent. Quoiqu'il fût tard, je courus à New York et je dis à un policeman de me conduire à la direction générale du service des détectives. Par bonheur, j'arrivai à temps, quoique le chef de la sûreté, le fameux inspecteur Blunt, fut précisément sur le point de s'en aller chez lui. C'était un homme de taille moyenne et d'une charpente ramassée. Et quand il réfléchissait profondément, il avait une manière à lui de froncer les sourcils et de se taper le front avec les doigts, qui vous donnait tout de suite la conviction que vous vous trouviez en présence d'un personnage comme il y en a peu. Du premier coup d'œil, il m'inspira de la confiance et me donna de l'espoir. Je lui exposai l'objet de ma visite. Ma déclaration ne l'émut en aucune façon. Elle n'eut pas plus d'effet apparent sur son sang-froid de fer que si j'étais venu lui dire simplement qu'on m'avait volé mon chien. Il m'offrit une chaise et me dit avec calme « Permettez-moi de réfléchir un moment, je vous prie. » Cela dit, il s'assit à son bureau et resta la tête appuyée sur la main. Des commis écrivaient à l'autre bout de la pièce. Le grattement de leurs plumes fut le seul bruit que j'entendis pendant les 6 ou 7 minutes qui suivirent. Entre-temps, l'inspecteur était enseveli dans ses pensées. Enfin, il leva la tête, et la fermeté des lignes de son visage me prouva que dans son cerveau, il avait achevé son travail, que son plan était arrêté. Alors, d'une voix basse, mais impressive, « Ce n'est pas un cas ordinaire. Chaque pas que nous allons faire doit être fait avec prudence, et il ne faut pas risquer un second pas avant d'être sûr du premier. Il faut garder le secret, un secret profond et absolu. » Ne parlez à personne de cette affaire, pas même aux reporters. Je me charge d'eux, et j'aurai soin de ne leur laisser connaître que juste ce qu'il entre dans mes vues de leur faire savoir. Il prit une plume et du papier. Voyons, le nom de l'éléphant. Hassan Ben Ali Ben Selim Abdallah Mohamed Moïse Al-Alman Jamsed Gigi Boy Dulen Sultan Ebou Boudpour. Très bien. Surnom, Jumbo. Très bien. Lieu de naissance, capitale du Siam. Les parents vivants? Non, morts. Ont-ils eu d'autres enfants que celui-ci? Non, il est fils unique. Parfait. Cela suffit sur ce point. Maintenant, ayez l'obligeance de me faire la description de l'éléphant et n'omettez aucun détail, pas même le plus insignifiant, je veux dire le plus insignifiant à votre point de vue, car dans notre profession, il n'y a pas de détail insignifiant, il n'en existe pas. Je fis la description, il écrivit, quand j'eus fini, il dit « Écoutez maintenant, si je commets des erreurs, veuillez les corriger. » Il lut ce qui suit. Hauteur 19 pieds. Longueur du sommet de la tête à l'insertion de la queue, 26 pieds. Longueur de la trompe, 16 pieds. Longueur de la queue, 6 pieds. Longueur totale, y compris la trompe et la queue, 48 pieds. longueur des défenses 9 pieds et demi, oreille en rapport avec ses dimensions, empreinte du pied semblable à celle qu'on laisse dans la neige quand on culbute un tonneau, couleur de l'éléphant blanc terne, un trou de la grandeur d'une assiette dans chaque oreille pour l'insertion des bijoux, à l'habitude, à un remarquable degré, de lancer de l'eau sur les spectateurs et de maltraiter avec sa trompe non seulement les personnes qu'il connaît, mais celles qui lui sont absolument étrangères. Boite légèrement du pied droit de derrière, à une petite cicatrice sous l'aisselle gauche provenant d'un ancien furoncle. Portée au moment du vol, une tour enfermant des sièges pour 15 personnes et une couverture en drap d'or de la grandeur d'un tapis ordinaire. Il n'y avait pas d'erreur. L'inspecteur sonna, donna le signalement à Alaric et dit « 50 000 exemplaires à faire imprimer à la minute et à envoyer par la malle-poste à tous les bureaux de bande-piété du continent. » Alaric se retira. « Voilà pour le moment. Maintenant, il nous faut une photographie de l'objet volé. » Je le lui donnai. Il l'examina en connaisseur et dit « On s'en contentera puisque nous ne pouvons faire mieux. » Mais il a la trompe rentrée dans la bouche. Cela est fâcheux et pourra causer des erreurs car évidemment, il n'est pas toujours dans cette position. Il toucha le timbre. « Alaric, 50 000 exemplaires de cette photographie, demain, à la première heure, et expédiés par la malle avec les signalements. » Alaric se retira pour exécuter les ordres. L'inspecteur dit « Il faudra offrir une récompense, naturellement. Voyons, quelle somme? Combien croyez-vous? Pour commencer, je crois que, disons, 25 000 $. C'est une affaire embrouillée et difficile. Il y a 1000 moyens d'échapper et 1000 facilités de recel. Ces voleurs ont des amis et des complices partout. » Nous partîmes donc de ce chiffre. Puis cet homme, qui n'oubliait rien de ce qui pouvait fournir une indication, me dit « Il y a des cas dans les annales de la police qui démontrent que parfois des criminels ont été retrouvés par des singularités dans leur façon de se nourrir. Pouvez-vous me dire ce que mange l'éléphant et en quelle quantité ?»« Bon, ce qu'il mange. Il mange de tout. Il mangera un homme, il mangera une Bible. Il mangera n'importe quoi compris entre un homme et une Bible. C'est parfait. Un peu trop général toutefois. Il me faut quelques détails. Les détails sont la seule chose utile dans notre métier. Très bien pour les hommes. Mais voyons, un repas, ou si vous préférez, en un jour, combien d'hommes mangera-t-il viande fraîche? Il lui importera peu qu'il soit frais ou non. En un seul repas, il pourra manger 5 hommes ordinaires. Parfait. 5 hommes. C'est noté. Quelle nationalité préfère-t-il? Il est tout à fait indifférent à la nationalité. Il préfère les gens qu'il connaît, mais il n'a pas de parti pris contre les étrangers. Très bien. Maintenant, les Bibles. Combien de Bibles peut-il manger à un repas? Il en mangera une édition tout entière. Ce n'est pas assez explicite. Parlez-vous de l'édition ordinaire, in octavo, ou de l'édition de famille, illustrée? Je ne crois pas qu'il se préoccupe des illustrations, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il fasse plus de cas des éditions illustrées que des autres. Il boit tout ce qui est liquide, du lait, de l'eau, du whisky, de la mélasse, de l'huile de ricin, de la térébenthine, de l'acide phénique. Inutile d'insister sur les détails, indiquez tous les liquides qui vous viennent à l'esprit. D'ailleurs, il boira n'importe quoi, excepté du café d'Europe. Très bien. Et quelle quantité? Mettons de 5 à 15 barriques. Cela dépend de sa soif, qui varie, mais son appétit ne varie pas. Ce sont des habitudes peu ordinaires. Elles serviront à nous mettre sur la piste. Il sonna. Alaric, faites venir le capitaine Burns. Burns arriva. L'inspecteur Blunt lui expliqua l'affaire en entrant dans tous les détails. Puis il dit de ce ton clair et décisif d'un homme qui a son plan nettement arrêté dans son esprit et qui est accoutumé à commander. « Capitaine Burns, vous chargerez les détectives Jones, Davis, Halsey, Bates et Hackett de suivre l'éléphant comme une ombre. »« Oui, monsieur. Vous chargerez les détectives Moses, Dakin, Murphy, Rogers, Topper, Higgins et Barthélemy de suivre les voleurs comme une ombre. »« Oui, monsieur. » Vous placerez un poste de 30 hommes d'élite avec un renfort de 30 à l'endroit où l'éléphant a été volé, avec ordre de faire faction nuit et jour et de ne laisser approcher personne, excepté les reporters, sans un ordre écrit de moi. Oui, monsieur. Des détectives en bourgeois sur le chemin de fer, les bateaux à vapeur et sur les bacs et bateaux de passeurs, et sur toutes les routes et tous les chemins qui partent de Jersey City, avec ordre de fouiller toutes les personnes suspectes. Oui, monsieur. Vous leur donnerez à chacun des photographies avec le signalement de l'éléphant, et vous leur enjoindrez de fouiller tous les trains et tous les bateaux et navires qui sortent du port. Oui, monsieur. Si on trouve l'éléphant, vous le ferez arrêter et vous m'avertirez immédiatement par télégraphe. Oui, monsieur. Vous m'avertirez immédiatement si on trouve des empreintes de pieds d'animal ou toute autre chose de même nature. Oui, monsieur. vous vous ferez donner l'ordre en joignant à la police du port de faire des patrouilles vigilantes devant les façades des maisons. Oui, monsieur. Vous ferez partir des détectives en bourgeois par les chemins de fer. Ils iront au nord jusqu'au Canada, à l'ouest jusqu'à l'Ohio, au sud jusqu'à Washington. Oui, monsieur. Vous aurez des hommes sûrs et capables dans tous les bureaux de télégraphe pour lire les dépêches, avec ordre de se faire interpréter toutes les dépêches chiffrées. Oui, monsieur. Que tout cela soit exécuté dans le plus profond secret, dans le plus impénétrable secret. Oui, monsieur. Vous viendrez sans faute me faire votre rapport à l'heure habituelle. Oui, monsieur. Allez maintenant. Oui, monsieur. Il était parti. L'inspecteur Blunt demeura silencieux et pensif un moment. Le feu de son regard s'éteignit et disparut. Il se tourna vers moi et me dit d'une voix calme « Je n'aime pas me vanter, ce n'est pas mon habitude, mais je crois pouvoir dire que nous trouverons l'éléphant. » Le lendemain matin, les détails complets étaient dans tous les journaux. Il y avait même en supplément l'exposé des théories de l'agent un tel ou un tel sur la manière dont le coup avait été fait, sur les auteurs présumés du vol et la direction qu'ils avaient dû prendre avec leur butin. Il y avait 11 théories embrassant toutes les possibilités. Et ce simple fait montra quels gens indépendants sont les détectives. Il n'y avait pas deux théories semblables, ou se rapprochant quoi que ce fût, excepté sur certains points sur lesquels les 11 étaient absolument d'accord. C'était que, quoiqu'on eût bouleversé et démoli l'arrière de ma maison, et que la porte seule fût restée fermée à clé, l'éléphant n'avait pu passer par la brèche pratiquée, mais par quelque autre issue encore inconnue. Tous s'accordaient à dire que les voleurs n'avaient pratiqué cette brèche que pour induire la police en erreur. Cela ne me serait pas venu à l'idée, non plus qu'à tout homme ordinaire, mais les détectives ne s'y laissèrent pas prendre un seul instant. Ainsi, la chose qui me paraissait la seule claire était celle où je m'étais le plus lourdement trompé. Les 11 théories mentionnaient toutes le nom des voleurs supposés, mais pas deux ne donnaient les mêmes noms. Le nombre total des personnes soupçonnées était de 37. Les divers comptes rendus des journaux se terminaient par l'énoncé de l'opinion la plus importante de toutes, celle de l'inspecteur en chef Blunt. Voici un extrait de ce qu'on lisait. L'inspecteur en chef connaît les deux principaux coupables. Ils se nomment Brick Duffy et Rouge McFadden. 10 jours avant que le vol fût accompli, il en avait eu connaissance et avait sans bruit pris les mesures pour mettre à l'ombre ces deux coquins notoires. Malheureusement, on perdit leurs traces juste la nuit du rapt, et avant qu'on les eût retrouvés, l'oiseau, c'est-à-dire l'éléphant, s'était envolé. Duffy et McFadden sont les deux plus insolents vauriens de leur profession. Le chef a des raisons de croire que ce sont les mêmes qui dérobèrent, l'hiver dernier, par une nuit glaciale, le poêle du poste de police, ce qui eut pour conséquence de mettre le chef et les hommes de police entre les mains des médecins avant l'aube, les uns avec des doigts gelés, d'autres les oreilles ou d'autres membres. Après avoir lu la moitié de ce passage, je fus plus étonné que jamais de la merveilleuse sagacité de cet homme. Non seulement il voyait d'un œil clair tous les détails présents, mais l'avenir même ne lui était pas caché. J'allai aussitôt à son bureau et lui dis que je ne pouvais m'empêcher de regretter qu'il n'eût pas fait tout d'abord arrêter ces gens et empêcher ainsi le mal et le dommage. Sa réponse fut simple et sans réplique. Ce n'est point notre affaire de prévenir le crime, mais de le punir. Nous ne pourrons le punir tant qu'il n'a pas été commis. Je lui fis remarquer en outre que le secret dont nous avions enveloppé nos premières recherches avait été divulgué par les journaux, que non seulement tous nos actes, mais même tous nos plans et projets avaient été dévoilés, que l'on avait donné le nom de toutes les personnes soupçonnées, elle n'aurait maintenant rien de plus pressé que de se déguiser ou de se cacher. Laissez faire. Ils éprouveront que, quand je serai prêt, ma main s'appesantira sur eux, dans leur retraite, avec autant de sûreté que la main du destin. Je déposai une somme d'argent considérable entre les mains de l'inspecteur pour couvrir les dépenses courantes, et je m'assis pour attendre des nouvelles. Nous pouvions espérer avoir des télégrammes à chaque minute. Entre-temps, je relus les journaux et notre circulaire et je constatai que les 25 000 $ de récompense semblaient n'être offerts qu'aux détectives seulement. Je dis qu'il aurait fallu les offrir à quiconque trouverait l'éléphant. Mais l'inspecteur me répondit « Ce sont les détectives qui trouveront l'éléphant. Par conséquent, la récompense ira à qui de droit. Si la trouvaille est faite par quelque autre personne, ce ne sera jamais que parce qu'on aura épié les détectives et qu'on aura mis à profit les indications qu'ils se sont laissés voler. Ils auront droit de toute façon à la récompense. Le but d'une prime de cette nature est de stimuler le zèle des hommes qui consacrent leur temps et leur talent acquis à ces sortes de recherches, et non pas de favoriser des citoyens quelconques qui ont la chance de faire une capture sans avoir mérité la récompense par des mérites et des efforts spéciaux. Cela me parut assez raisonnable. À ce moment, l'appareil télégraphique qui était dans un coin de la pièce commença à cliquer et la dépêche suivante se déroula. Flower Station, New York, 7h30, matin. Suis sur une piste. Trouvez série de profonds sillons traversant ferme près d'ici. Les ai suivis pendant 2 milles direction est, sans résultat. Croix éléphant a pris direction ouest. Je filerai de ce côté. Darley, détective. Darley est un des meilleurs hommes de la division, dit l'inspecteur. Nous aurons bientôt d'autres nouvelles de lui. Le deuxième télégramme arriva. Barker's, NJ, 7h30, matin. Arrive à l'instant. Effraction dans Verrerie, ici nuit dernière, 800 bouteilles enlevées. Eau en grande quantité ne se trouve qu'à 5 000 d'ici. Me transporte de ce côté. Éléphant probablement altéré, bouteille vide trouvée. Baker, détective. Autre télégramme. Coney Point, 8h45, matin. Effraction à l'usine à gaz pendant la nuit. Quittance trimestrielle, non payé disparu. Relevé et suivi la piste. Ciel, s'exclama l'inspecteur. Mange-t-il aussi des quittances? Par inadvertance, sans doute, répondis-je. Des quittances ne peuvent être une nourriture suffisante, du moins prise seule. Puis arriva ce télégramme émouvant. Ironville, New York, 9h30, matin. J'arrive. Ce village est dans la consternation. Éléphant passé ici à 5h du matin. Les uns disent qu'il se dirige vers l'ouest, d'autres vers le nord, quelques-uns vers le sud. Mais personne n'est resté pour faire au moment une observation précise. Il a tué un cheval. J'en ai mis un morceau de côté comme indice. Il l'a tué avec la trompe. D'après la nature du coup, je crois qu'il a été porté à gauche. D'après la position où on a trouvé le cheval, je crois que l'éléphant se dirige au nord, suivant la ligne du chemin de fer de Berkeley. Il a une avance de 4h30, mais nous le suivons de près. Harves, détective. Je poussai une exclamation de joie. L'inspecteur était calme comme une image. Il toucha posément son timbre. Alaric, envoyez-moi le capitaine Burns. Burns entra. Combien d'hommes disponibles avez-vous? 96, monsieur. Envoyez-les dans le nord, immédiatement. Concentration sur la ligne de Berkeley, au nord de l'Ironville. Oui, monsieur. Ainsi l'éléphant tournait à l'ouest, dit l'inspecteur. D'ailleurs, il ne peut échapper. J'ai des hommes partout. Le télégramme suivant disait « Glovers, 11h15, matin. » J'arrive. Le village est abandonné. Restent les malades et les vieillards. Éléphant passé ici il y a 3/4 d'heure. La société de protestation contre les buveurs d'eau était réunie en séance. Il a passé sa trompe par la fenêtre et l'a vidée dans la salle. La trompe était pleine d'eau de pluie. Quelques assistants l'ont avalée et sont morts. D'autres ont été noyés. Les détectives Cross et O'Shaughnessy ont traversé la ville, mais allant au sud, ont manqué l'éléphant. Tout le pays, à plusieurs milles à la ronde, saisit de terreur. Les gens désertent leurs maisons, fuyant partout, mais partout ils rencontrent l'éléphant, beaucoup de tués. Brand, détective. J'aurais voulu répandre des larmes, tant ces ravages me consternaient. Mais l'inspecteur se contenta de dire « Vous voyez que nous nous rapprochons, il sent notre présence, le voilà de nouveau à l'est. » Alors arriva une dépêche ainsi conçue. Bridgepoint, 12h15. Barnum offre $4 000 par an pour le privilège exclusif de se servir de l'éléphant comme moyen d'annonce ambulante à partir d'aujourd'hui jusqu'au moment où les détectives le trouveront. Voudrait le couvrir d'affiches de son cirque. Demande réponse immédiate. Boggs, détective. C'est absurde, m'écriai-je. Sans doute, dit l'inspecteur. Évidemment, M. Barnum, qui se croit très fin, ne me connaît pas, mais je le connais. Et il dictait la réponse à la dépêche. Offre de M. Barnum refusée, $7 000 ou rien. Inspecteur chef, Blunt. Voilà, nous n'aurons pas à attendre longtemps la réponse. M. Barnum n'est pas chez lui, il est dans le bureau du télégraphe. C'est son habitude quand il traite une affaire. Dans trois... Affaire faite, P.T. Barnum, interrompit l'appareil télégraphique en cliquetant. Avant que j'eusse le temps de commenter cet extraordinaire épisode, la dépêche suivante changea désastreusement le cours de mes idées. Bolivia, New York, 12h50. L'éléphant arrivé ici, venant du sud, a passé se dirigeant vers la forêt à 11h50, dispersant un enterrement et diminuant de 2 le nombre des suiveurs. Des citoyens lui ont tiré quelques balles, puis ont pris la fuite. Le détective Burke et moi sommes arrivés 10 minutes trop tard, venant du nord. Mais des traces fausses nous ont égarés et nous avons perdu du temps. À la fin, nous avons trouvé la vraie trace et l'avons suivie jusqu'à la forêt. À ce moment, nous nous sommes mis à 4 pattes et avons relevé les empreintes attentivement. Nous avons aperçu l'animal dans les broussailles. Burke était devant moi. Malheureusement, l'éléphant s'est arrêté pour se reposer. Burke, qui allait la tête penchée, les yeux sur la piste, buta contre les jambes postérieures de l'animal avant de l'avoir vu. Il se leva aussitôt, saisit la queue et s'écria joyeusement « Je réclame la prix !» Mais avant qu'il eût achevé, un simple mouvement de la trompe jeta le brave garçon à bas, mort et en pièces. Je fis retraite, l'éléphant se retourna et me poursuivit de près jusqu'à la lisière du bois à une allure effrayante. J'aurais été pris infailliblement si les débris de l'enterrement n'étaient miraculeusement survenus pour détourner son attention. On m'apprend qu'il n'en reste rien de l'enterrement. Ce n'est pas une perte sérieuse. Il y a ici plus de matériaux qu'il en faut pour un autre. L'éléphant a disparu. Mel Bonnet, détective. Nous n'eûmes plus de nouvelles, sinon des diligents et habiles détectives dispersés dans le New Jersey, la Pennsylvanie, le Delaware, la Virginie, qui tous suivaient des pistes fraîches et sûres. Un peu après 2 heures, vint ce télégramme. Baxter, centre, 2h15, soir. Éléphant passé ici, tout couvert d'affiches de cirque, a dispersé une conférence religieuse, frappant et blessant un grand nombre de ceux qui étaient venus là pour le bien de leurs âmes. Les citoyens ont pu le saisir et l'ont mis sous bonne garde. Quand le détective Brown et moi arrivâmes peu après, nous entrâmes dans l'enclos et commençâmes à identifier l'animal avec les photographies et descriptions. Toutes les marques concordantes étaient reconnues, sauf une, que nous ne pouvions pas voir, la marque à feu sous l'aisselle. Pour la voir, Brown se glissa sous l'animal et eut aussitôt la tête broyée. Il n'en resta pas même les débris. Tous prirent la fuite et aussi l'éléphant, portant à droite et à gauche des coups meurtriers. Il s'est sauvé, mais a laissé des traces de sang provenant des boulets de canon. Nous sommes sûrs de le retrouver. Traverse dans la direction du sud une forêt épaisse. Ce fut le dernier télégramme. À la tombée du soir, il y eut un brouillard si opaque que l'on ne pouvait distinguer les objets à 3 pas. Il dura toute la nuit. La circulation des bateaux et des omnibus fut interrompue. Personnellement, je n'avais aucune raison de me réjouir. Il me semblait que c'était moi qui avais commis tous les crimes sanglants et que l'éléphant n'était que mon agent irresponsable. Et comme la liste était accrue. Dans un endroit, il était tombé au milieu d'une élection et avait tué 5 scrutateurs. Dans un autre endroit, il avait tué un agent préposé au paratonnerre et la liste continuait de plus en plus sanglante, de plus en plus navrante. Il y avait 60 tués et 240 blessés. Tous les rapports rendaient hommage à la vigilance et au dévouement des détectives et tous se terminaient par cette remarque. Que le monstre avait été vu par 300 000 hommes et 4 détectives, et que 2 de ces derniers avaient péri. Je redoutais d'entendre de nouveaux clics de l'appareil télégraphique. Bientôt la pluie de dépêches recommença, mais je fus heureusement déçu. On ne tarda pas à voir la certitude que toute trace de l'éléphant avait disparu. Le brouillard lui avait permis de se trouver une bonne cachette où il restait à l'abri des investigations. Les télégrammes de localités les plus absurdement éloignées les unes des autres annonçait qu'une vaste masse sombre avait été vaguement aperçue à travers le brouillard, à telle ou telle heure, et que c'est indubitablement l'éléphant. Cette vaste masse sombre aurait été aperçue vaguement à New Haven et New Jersey, en Pennsylvanie, dans l'intérieur de l'État de New York, à Brooklyn et même dans la ville de New York. Mais chaque fois, la vaste masse sombre s'était évanouie et n'avait pas laissé de traces. Chacun des détectives de la nombreuse division répandue sur cette immense étendue de pays envoyait son rapport d'heure en heure, et chacun d'eux avait relevé une piste sûre, épiait quelque chose et le talonnait. Le jour se passa néanmoins sans résultat. De même, le jour suivant. Et le troisième. Le coup le plus cruel frappa alors les pauvres détectives harassés. Les journalistes refusèrent de publier plus longtemps leurs théories et demandèrent froidement quelques répits. 15 jours après le vol, j'élevai la prime à 75 000 $ sur le conseil de l'inspecteur. C'était une somme importante, mais je compris qu'il valait mieux sacrifier toute ma fortune personnelle que perdre mon crédit auprès de mon gouvernement. Maintenant que les détectives étaient en mauvaise posture, les journaux se tournèrent contre eux et se mirent à leur décocher les traits les plus acérés. Le théâtre s'empara de l'histoire. On vit sur la scène des acteurs déguisés en détectives chassant l'éléphant de la plus amusante façon. On fit des caricatures de détectives parcourant le pays avec des longues vues, tandis que l'éléphant derrière eux mangeait des pommes dans leurs poches. Enfin, on ridiculisa de 100 façons les insignes des détectives. Mais un homme demeurait calme, immuable, insensible à toutes les moqueries. C'était ce cœur de chêne, l'inspecteur. Pas une fois son regard limpide ne se troubla, pas une fois sa confiance ne fut ébranlée. Il disait « Laissez-les faire et dire, rira bien qui rira le dernier ». Mon admiration pour cet homme devint un véritable culte. Je ne quittais plus sa société. son bureau m'était devenu un séjour de moins en moins agréable. Cependant, puisqu'il se montrait si héroïque, je me faisais un devoir de l'imiter aussi longtemps du moins que je le pourrais. Je venais régulièrement et m'installais. J'étais le seul visiteur qui parut capable de cela. Tout le monde m'admirait. Parfois, il me semblait que j'aurais dû renoncer. Mais alors, je contemplais cette face calme et apparemment insoucieuse, et je demeurais. 3 semaines environ après le vol de l'éléphant, je fus un matin sur le point de dire que j'allais donner ma démission et me retirer. À ce moment même, pour me retenir, le grand détective me souvit un nouveau plan génial. C'était une transaction avec les voleurs. La fertilité de ce génie inventif surpassait tout ce que j'avais jamais vu, et pourtant, j'étais en relation avec les esprits les plus distingués. Il me dit qu'il était sûr de pouvoir transiger pour 100 000 $ et de me faire avoir l'éléphant. Je répondis que je croyais pouvoir réunir cette somme, mais je demandais ce que deviendraient ces pauvres détectives qui avaient montré tant de zèle. « Dans les transactions, m'assura-t-il, ils ont toujours la moitié. » Cela écartait ma seule objection. Il envoyait aussitôt aux journaux du matin une annonce dont je gardais la copie. « Grand A, XWBLV, 242 N, TJD, FX, 328, MLG, OSPO, tiret, 2M, point d'exclamation, OCW, MUM. » Il me dit que si le voleur était encore vivant, cela le déciderait à venir au rendez-vous habituel. Il m'expliqua que ce rendez-vous était dans un endroit où se traitaient tous les compromis entre détectives et criminels. L'heure fixée était minuit sonnant. Nous ne pouvions rien faire jusque-là. Je quittai le bureau sans retard, heureux d'un moment de liberté. À 11 heures du soir, j'apportai les 100 000 $ en billets de banque et les remis entre les mains du chef détective. Peu après, il me quitta, avec dans le regard la lueur d'espérance et de confiance que je connaissais bien. Une heure s'écoula, presque intolérable, puis j'entendis son pas béni. Je me levai, tout ému et chancelant de joie, et j'allai vers lui. Quelle flamme de triomphe dans ses yeux! Il dit « Nous avons transigé. Les rieurs déchanteront demain. Suivez-moi. » Il prit une bougie et descendit dans la vaste crypte qui s'étendait sous la maison et où dormaient continuellement 60 détectives, tandis qu'un renfort de 20 autres jouait aux cartes pour tuer le temps. Je marchai sur ses pas. Il alla légèrement jusqu'au bout de la pièce sombre, et au moment précis où je succombais à la suffocation et me préparais à m'évanouir, je le vis trébucher et s'étaler sur les membres étendus d'un objet gigantesque. Je l'entendis crier en tombant « Notre noble profession est vengée, voici l'éléphant !» On me transporta dans le bureau, je repris mes sens en respirant de l'éther. Tous les détectives accoururent. Je vis une scène de triomphe comme je n'en avais jamais vu encore. On appela les reporters, on éventra des paniers de champagne, on porta des toasts. Il y eut des serrements de main, des congratulations, un enthousiasme indicible et infini. Naturellement, le chef fut le héros du moment et son bonheur était si complet, il avait si patiemment, si légitimement, si bravement remporté la victoire, que j'étais heureux moi-même de le voir ainsi, quoique je ne fusse plus pour ce qui me concernait qu'un mendiant sans feu ni lieu. Le trésor inappréciable qu'on m'avait confié était perdu, et ma position officielle m'échappait par suite de ce que l'on considérait toujours comme une négligence coupable dans l'accomplissement de ma grande mission. Le partage des 50 000 $ fit grand plaisir, et quand il fut achevé, le chef fit un petit discours après avoir mis sa part dans sa poche. « Jouissez-en, mes garçons, car vous l'avez bien gagné, et ce qui vaut mieux, vous avez acquis à la profession de détective une renommée impérissable. » À ce moment, arriva un télégramme. « Monroe, Michigan, 10 heures, soir. » « Trouvez ici bureau télégraphique pour la première fois depuis 3 semaines, et suivi trace de pas à cheval à travers les forêts sur une distance d'un millier de milles. Empreinte plus forte, plus grande et plus fraîche de jour en jour. Ne vous impatientez pas, dans une semaine, l'éléphant sera à moi. Absolument sûr. Darley, détective. » Le chef ordonna une triple salve d'applaudissements pour Darley, un des plus fins limiers de la sûreté, puis il lui fit télégraphier de revenir pour recevoir sa récompense. Ainsi se termina le merveilleux épisode du vol de l'éléphant blanc. Les journaux du lendemain se répandirent une fois de plus en protestations élogieuses. Il n'y eut qu'une exception insignifiante. La feuille ironique disait « Le détective est grand. Il peut être un peu long à trouver de petites choses comme un éléphant égaré. Il peut le chasser toute la journée et dormir toute la nuit à côté de la carcasse pourrie pendant 3 semaines, mais il finira par le trouver s'il peut mettre la main sur l'homme qui lui indiquera le bon endroit. » Le pauvre Hassan était perdu pour moi. Les boulets de canon l'avaient blessé mortellement. Il s'était réfugié dans le souterrain, au-dessous du bureau de police pendant le brouillard, et là, entouré de ses ennemis, en danger constant d'être découvert, il avait souffert de la faim, jusqu'à ce que la mort vînt lui donner le repos éternel. La transaction me coûtait 100 000 $, les autres frais 42 000 $ de plus. Je ne pouvais pas songer à obtenir un autre emploi de mon gouvernement. Je suis un homme ruiné et un vagabond sur la terre. Mais mon admiration pour cet homme, le plus éminent policier que le monde ait jamais connu, demeure entière à ce jour et restera telle jusqu'à la fin. Ainsi s'achève L'éléphant blanc volé par Mark Twain.